Exode chapitre 15. Alors Moïse, et les enfants d'Israël, chantèrent ce cantique à l'Éternel, et dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé, il a jeté dans la mer le cheval et celui qui le monte. L'Éternel est ma force et ma louange, et il a été mon sauveur, mon Dieu fort. Je lui dresserai un tabernacle, c'est le Dieu de mon père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chariots de Pharaon, et son armée, l'élite de ses capitaines a été submergée dans la mer rouge. Les gouffres les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, s'est montrée magnifique en force, ta droite, ô Éternel, a froissé l'ennemi. Tu as ruiné, par la grandeur de ta majesté, ceux qui s'élevaient contre toi, tu as lâché ta colère, et elle les a consumés comme du chaume. Par le souffle de tes narines, les eaux ont été amoncelées, les eaux courantes se sont arrêtées comme un monceau, les gouffres ont été gelés au midi, eu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, mon âme sera assouvie d'eux, je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton vent, la mer les a couverts, ils ont été enfoncés comme du plomb au plus profond des eaux. Qui est comme toi entre les forts, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne d'être révéré et célébré, faisant des choses merveilleuses? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Tu as conduit, par ta miséricorde, ce peuple que tu as racheté, tu l'as conduit, par ta force, à la demeure de ta sainteté. Les peuples l'ont entendu, et ils en ont tremblé, la douleur a saisi les habitants de la Palestine. Alors les princes d'Édom seront troublés, et le tremblement saisira les forts de Moab, tous les habitants de Chanaan se fondront. La frayeur et l'épouvante tomberont sur eux, ils seront rendus stupides comme une pierre, par la grandeur de ton bras, jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, soit passé, jusqu'à ce que ce peuple, eux que tu as acquis soit passé. Tu les introduiras et les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel règnera à jamais et à perpétuité. Car le cheval de Pharaon est entré dans la mer, avec son chariot et ses gens de cheval, et l'Éternel a fait retourner sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Et Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambour en sa main, et toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambours et des flûtes, et Marie leur répondait, « Chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé, il a jeté dans la mer le cheval et celui qui le montait. » Après cela, Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge, et ils tirèrent vers le désert de Sur, et ayant marché 3 jours par le désert, ils ne trouvaient point d'eau. De là ils vinrent à Mara, mais ils ne pouvaient point boire des eaux de Mara, parce qu'elles étaient amères, et pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse, en disant, « Que boirons-nous ? » Et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui enseigna un certain bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Il lui proposa là une ordonnance et une loi, et il l'éprouva là, et lui dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne ferai venir sur toi, aucune des infirmités que j'ai fait venir sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Puis ils vinrent à Elim, où il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmes, et ils se campèrent là auprès des eaux.